Les amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette avant-dernière émission d'Happy Dance 35. Toujours Ismaël pour vous accompagner durant ces deux heures où on va se faire plaisir avec, comme d'habitude, les 35 meilleures chansons EDM de la semaine. Alors vous le savez, la semaine dernière, si vous avez pu déjà écouter l'émission en podcast ou en replay depuis le site internet happydance35lepodcast.fr, et bah tout simplement, vous le savez, voilà, il y a eu une grosse guéguerre entre Lady Gaga et Kygo qui se sont livrés une guerre avec 13 titres qui sont venus prendre chacun une place dans le top 35. Donc au final, je crois qu'il y avait 27 ou 26 titres voilà, qui étaient pris juste rien que par ces deux artistes. Cette semaine, eh bien, Kygo a décidé de battre en retraite et de laisser de la place à Lady Gaga. Du coup, il y a beaucoup moins de chansons au niveau de l'artiste de Kygo. Mais attention, il y a de gros retours, notamment avec pas mal de sons qui n'étaient plus là, notamment du Louis the Child, on aura du Flume, Lord Luxury, V-Stone, on aura de la nouveauté aussi. Enfin voilà, on va repartir cette semaine sur des bases un petit peu plus saines et un petit peu moins guerroyantes. Et ça tombe bien puisqu'on va commencer tout de suite avec de la nouveauté. C'est Galantis qui a sorti ce single avec Shipwreck et Pink Swedish. C'est Only a Fool, numéro 35 de la semaine. Et puis juste après, je joue Louis the Child, Flume et Aftertaste des Lord Luxury. Deux heures de meilleure hit musical dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 35. There's some things about you I know I don't like, but I can't stand not having you right by my side. I would trade eternity for just a night. You might be crazy, but at least I know you're mine. Just say that you feel the same. Show you what I really mean. Yeah. 'Cause even when you're afraid, I could be your remedy. Only a fool would turn down your kiss. 'Cause girl, you got magic all in your lips. I'm so for real, this is not for play. Girl, just one touch and I'm not the same. Getting dumb high, we be laughing in slow-mo-mo. All she really wants is fries in the mud pie, but the supermarket is closed, closed, closed. It's all jokes, good times when you come by. Something special I know, no, no. One half of the time it's a gunfight, the other half we're taking off, close, close, close. And there will come a time when we're slowing down. We'll hold on to memories, memories. Till then, let's wreck shit and hold it down. I love when you're telling me, telling me. One day, we'll think of these moments. 'Cause I just like this and just the little things. dum dum da dum dum da da da da da. Quick text and you tell me that you miss me. Baby, get your ass home. You shoot me blessings like a weapon when you kiss me. Feels like we'll never get old. And there will come a time when we're slowing down, and we'll hold on to memories, memories. Till then, let's wreck shit and hold it down. Love when you're telling me, one day we'll think of these moments. 'Cause I'm just like this, ain't this the little thing? It's the little I know that you really go on. Crazy that I won't give up. l'instant, c'était le grand retour de Vistone et Tony Iggy cette semaine dans le top 35 avec ce single qui est vraiment très plaisant à écouter, c'est Astronomia numéro 31 de la semaine. Tout de suite, ce qui va arriver les amis, ça va être du Kygo avec Zach Brown avec Someday qui a perdu 5 places. Ça sera suivi par un autre single de Kygo, The Truth, qui lui a perdu 6 places. Et puis une nouveauté juste après de DVBBS, Tinted Eyes dans Happy Dance 35. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 30. Come and take this heart while I'm away. Cause I want you to hold it, babe. I know that you keep it safe. When I'm way too far. Space and time between you and I, I'll never leave you in the dust. Falling skies and open roads, the only place that I call home. Is in your arms and in your eyes where I belong. And I don't know how, don't know when. Someday I'm gonna see you again. And I don't know how, don't know when. Someday I'm gonna see you again. Your heart is what I always knew. And I

Yes. Hit numéro 27. I always thought I was losing the race. Looking for love in all the wrong places. Really don't know how we made it here. Never thought I was worth what you give. Never felt quite alive, now I'm living. Yeah, you killed my doubts, they disappear. When I feel like nothing's gonna hold me down, you do used to be scared of falling till you came around, came around. Now I just wanna stay. From grace, yeah. I was numb before, but now I feel. Any problem, we'll figure it out. Any love lost, we'll bring back around. Any broken heart, we'll make it heal. When I feel like nothing's gonna hold me down, you do used to be scared of falling till you came. Moi c'est Ismaël les amis, je suis là pour vous accompagner encore pendant presque une heure et demie avec la suite eh bien, des 35 meilleurs hits EDM de cette semaine dans Happy Dance 35. Ça tombe bien puisqu'à l'instant c'était le numéro 27, anciennement numéro 34 la semaine dernière, il gagne 7 places. C'était donc Midnight de Alesso et Liam Payne. On va continuer nous avec plus de sons. On va avoir quelques chansons de Kaigo, notamment Freedom qui arrivera tout à l'heure avec Zach Abel en numéro 24 et qui perd 2 places. On va avoir aussi Lil XXL avec LMK qui gagne 3 places. Et puis tout de suite c'est Like It Is de Zara Larsson, Taiga et Kaigo dans Happy Dance 35. Avec Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Hit numéro 26. Baby, you should leave this girl alone. But you walk on, but you don't. Now delete my number from your phone. But you walk on, you gotta go. Line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my all, I call it make believe. I don't feel how you feel, I'm just telling it like it is. I don't need you to say those words no more, I'm just telling it

was living a lie, living a lie. This is my confession. I was living a lie before we met. There were so many nights full of dark temptation. There were so many nights that I regret. You gave me something that I can hold on to. A little light when I'm down on my knees. I was so lost in myself when I found you. But in that moment you made me believe. You gave me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Malgré la perte de deux places cette semaine pour ce single de Kygo et Zekabel Freedom, ça reste une grande bouffée d'air frais pour nous dans Happiness 35 et on va continuer avec toujours des choses aussi fraîches, notamment tout à l'heure du Kygo avec Sacha Sloan sur I Will Wait, on aura Lady Gaga et puis tout de suite ce qui arrive c'est Major Lazer avec Marcus sur Lay Your Head On Me. Hit numéro 23. When you're numb to the touch, you cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same. And every single scar that you claim is a stone in the path to this place. And every single choice that you make has led you this way. So lay your head on me, lay your head on me, lay your head on me, lay your head on me. Don't be afraid. Don't be afraid, love.

missing somebody. I hope you're thinking of me. People say we're foolish, people say we're dumb, people say we're caught up in temporary love. We don't know what we're doing. They say we're too young, but they don't know a thing about us. I'll wait forever, that's what we said. 16th of September, lying in my bed. I'll wait forever, it's never too late. Couple thousand miles is just a little space. I'll wait. Babylon de Lady Gaga à l'instant, extrait de son dernier album qui s'appelle Chromatica. C'était le numéro 17 la semaine dernière. Il a perdu 3 places puisqu'il est le numéro 20 de cette semaine. Et c'était à l'instant dans Happy Dance 35. Allez, on continue avec d'ici quelques minutes plein de chansons de Lady Gaga à la suite. Il y en a exactement 5 à partir du numéro 18. Mais tout de suite, ce qu'on écoute, c'est Regard et Ray sur Secret. Allez, c'est parti dans Happy Dance 35 pour la suite du classement. Numéro 19. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out. In the silence, crying. I'm on the side with the lights out. Know that you feel it, Know that you feel it, Fuck you in my heart and head. Sip on my life. I don't know about you, about you, about you, you. There's something in his eyes, just keeping secrets. I don't know about you. We'll be right back. 27. Open-minded, I'm so blinded. Mystery man, woman phantom. Violet light smears the atmosphere. I'm so scared, but I'm standing here. Is what I'm seeing real, or is it just a sign? Is it all just virtual? We could be lovers, even just tonight. We could be anything you want. We could be jokers, right to the daylight. We could break all of our stigma. I'll be your enigma. I'll be your enigma. I'll be your enigma. I'll be your enigma. Can't stop staring, I'm so naked. Wrapped in the shadows, my heart races. Dragon's eyes watch, goddess breathing. Give me something to believe in. Is what I am seeing real, or is it just a sound? Is it all just virtual? We could be que nous sommes ensemble dans cette avant-dernière émission d'Happy Dance 35, en tout cas pour cette saison. C'est toujours Ismaël avec vous, bien évidemment, pour vous accompagner donc durant cette dernière heure ensemble, où on va pouvoir continuer à découvrir, pour ceux qui ne l'avaient pas découvert la semaine dernière, le nouvel album de Lady Gaga qui s'appelle Chromatica. On a encore à peu près 4-5 chansons à découvrir de celui-ci, notamment ce qui va arriver tout à l'heure. Il y aura du Free Woman, il y aura 911, Fun Tonight, Seen From Above, avec en coopération Elton John sur ce single, et puis tout de suite, tout simplement, c'est Lady Gaga Alone sur Plastic Doll. En français, ça donnerait La Poupée de Plastique. Et ça tombe bien, parce que c'est dans Happy Dance 35. 2 heures de meilleure hit musique et dance électro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 16. I'm top. I prayed for lightning. Yeah, I know.

Les amis, est-ce que vous arrivez à faire votre choix, vous, entre l'album Chromatica de Lady Gaga et l'album qui s'appelle Golden Hour, sorti le 29 mai dernier par Kygo? Franchement, moi, c'est dur, je vous l'avoue. Peut-être une petite préférence quand même pour Kygo, parce que c'est plus de la musique électronique que pop, malgré que ce soit voilà de l'EDM un petit peu pop, pour que ça passe bien dans les radios, et surtout dans Happy Dance 35, bien évidemment. Mais ouais, allez, peut-être petite préférence pour moi pour Kygo, avec notamment ce single qu'on a écouté il y a quelques instants avec Kim Petras. C'était Broken Glass, et puis on va continuer avec deux singles encore extraits plutôt de l'album de Lady Gaga. C'est Free Woman suivi de 911, et puis juste après il y aura Topic et S7 sur Breaking Me qui regagne 10 places cette semaine. Beat numéro 12. Watch life feel like go again. Boy, can't see me cry, can't see me cry ever.

Ça fait maintenant quelques minutes que nous sommes rentrés dans le top 10 des meilleurs hits de cette semaine de Happy Dance 35. À l'instant, on a pu écouter Lady Gaga avec Stupid Love qui a perdu 3 places et qui est donc sorti du top 5. On va continuer avec le numéro 6 de cette semaine. Lui, il a gagné 3 places par contre. C'est Surf Mesa avec Emily sur Illy. Et puis juste après, il y aura Sur Candy de Lady Gaga qui effectivement sort du top 3 pour arriver numéro 5 de cette semaine avec le fameux groupe coréen Blackpink. Hit numéro 6. Soft sour candy. Your eyes don't peek. Now I'm undressing. Unwrap some. that I could make time for your love. I'm hard on the outside, but if you see inside, inside, inside. Take a bite, it's a sour candy. Take a bite, take a bite, it's a sour candy. Take a bite, take a bite, it's a sour candy. Take a bite, take a bite, sour candy. Beat numéro 4. Est-ce que vous la sentez, cette pression qui monte, cette pression de savoir qui sont les trois meilleurs singles de cette semaine? Puisque vous l'avez remarqué, si vous avez été voir directement sur les réseaux sociaux, par exemple la semaine dernière, le classement du top 35, comme je vous l'avais dit la semaine dernière dans l'émission, et notamment si vous l'avez écouté, vous le savez, Rain On Me était number one. J'ai bien dit était, mais est-il numéro 3, numéro 2 ou encore numéro 1? Est-ce que je ne jouerai pas sur les mots? En tout cas, je vous mets pas la pression, mais tout de suite on va rentrer dans le top 3 des meilleurs hits musicaux de cette semaine dans Rapid Dance 35 avec quelque chose de lourd, de grand, qui nous vient tout droit des États-Unis. Oh bah tiens, il y a Lady Gaga aussi qui vient des États-Unis, mais pas que, mais qui sait? Bah je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir tout de suite, puisque c'est quelque chose qui nous vient aussi d'un film. Voilà, petit indice pour ceux qui connaissent, ça fait quand même 35 semaines qu'il est présent dans le top 35 d'Happy Dance 35, plusieurs fois numéro 1. Bon allez, tout de suite on écoute ça. Ça sera suivi juste après du numéro 2, dont je vous en parle pas plus. Et puis il y a un numéro 1 qui est revenu et qui a repris sa place de droit, je trouve. C'est un remix d'une grande chanson, d'un grand DJ. Bref, à découvrir tout de suite dans Happy Dance 35 avec les 3 meilleurs hits de cette semaine. Hit numéro 3. Baby, this is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego.

I'm about to fly. Rain on me, tsunami. Heads up to the sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly. Merci à tous et à toutes d'avoir passé ces deux heures en ma compagnie dans Happy Dance 35, l'émission qui vous fait découvrir chaque semaine les meilleurs hits musicaux dance electro avec un classement, celui des 35 meilleurs, tout simplement. Cette semaine, vous avez vu, on a eu un petit retrait au niveau de la guéguerre entre Lady Gaga et Kygo, et bien tout simplement des singles de Kygo dans ce top 35, n'empêche que Lady Gaga en a perdu quelques-uns aussi, puisqu'on a pu voir notamment le grand retour de single présent, et bien là, il y a deux semaines tout simplement, qui était très très bien dans le top 35, et puis surtout du changement encore cette fois-ci dans le top 3. Les amis, j'espère que vous aurez passé une superbe émission en ma compagnie. Moi, c'était Ismaël. On se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour un dernier épisode pour cette saison. Voilà, d'Happy Dance 35. Et puis avant de se quitter, comme il nous reste quelques minutes ensemble, j'ai envie de vous faire découvrir un mix de musique que j'ai découvert par hasard sur YouTube. Le gars qui a fait ça, il s'appelle Blooders. Il a pas utilisé de table de mixage, de table de platine DJ si vous voulez, pour faire ce mix. Il a utilisé le logiciel Adobe Audition et ça rend franchement pas mal. Il y a 14 chansons qui sont mixées, qui durent plus ou moins longtemps chacune. Voilà, notamment il y a du Moti, du Steve Aoki, du Climax, du Jack Back, du Evoking, du El Professor remixé par UGL, du Mac Williams, du Carnage et puis du David Guetta aussi. Franchement, ça rend super bien. Donc n'hésitez pas à aller checker. C'est sur YouTube, vous mettez pas Blooders Side to Tech Party ou Mix of 14 Songs, donc mix de 14 musiques, et vous allez pouvoir trouver ça. Et franchement, bah allez, tout de suite, je vous fais découvrir ça dans Happy Dance 35. Et puis je vous dis aussi à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout le dernier de cette saison. Happy Dance 35.